eu le tumulte, la cohorte, la colère, les pancartes, la coercition vers les cortèges. Dans un brouillard danse lacrymogène, lacrymonie se déchaîne, les fumigènes dans jeunes incriminés en comparutions immédiates. Affût des médias à l'affût, émeutiers, la foule maintiennent leur affût. Slogans, rugueux regards, arrogants, irrigants, les artères urbaines endiguées avec rigueur et regain. Telle une fresque que l'amertume a dessinée, où l'illusion ne fleurit plus à force d'être piétinée. Devantures opulentes, éclairées H24, pillage, vitrage, éclaté par l'impact. Instant notoriété, jeunesse, jouant avec l'interdit, cherchant dans l'autorité toute faille ou interstice. Projectile d'invective, armure d'impunité, fourgon d'incompréhension, mouvement sans unité, barrage idéologique, dissension et connivence, adrénaline, vandalisme, discussion, inconséquence. Faux pourri d'émotions aux multiples dimensions, mais seules les images chocs nourrissent les émissions. Grévisme, altercation, pacifisme, revendication, activisme, récupération, arabisme, manipulation. Manifestants étiquetés, prêchant leurs convictions, militants très inquiétés, dénonçant leurs conditions. Rêves et désillusions se sont rencardés, et pendant qu'il se fait encadrer, le nombre gronde. Le ciel se couvre et l'air est lourd, les éclairs se couvrent car aujourd'hui dehors, le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. L'atmosphère s'électrise, la colère est de mise et les braises s'attisent car aujourd'hui dehors, le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. Je ne juge pas que je ne comprends pas, et dans un tel cas, je n'y comprends rien. Les phénomènes sociaux m'intriguent, mais c'est un vrai casse-tête quand je vois tout ce qu'ils impliquent, indiquent tout ce qui s'y imbrique. Disons que chacun a sa raison, que ma raison ignore. Chacun ses émotions, son histoire, ses mécanismes qui le dominent et l'anime, sa part d'innée d'acquis. Je reste fasciné par chaque facette de l'individu et l'impact de la foule sur celui-ci. Plus que les mouvements de masse sont à la fois complexes et grégaires, j'entends parler d'insurrection, révolution et guéguerre, mais je ne veux pas d'explication par le fil journalistique, tout en sachant que ma critique ne saurait être analytique. J'observe juste tout en me méfiant de mes perceptions, sans chercher de bonnes réponses à de mauvaises questions. Le ciel se couvre et l'air est lourd, les éclairs se couvrent car aujourd'hui dehors, le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. L'atmosphère s'électrise, la colère est de mise et les braises s'attisent car aujourd'hui dehors, le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. Le nombre gronde. Le ciel se couvre et l'air est lourd, les éclairs se couvrent car aujourd'hui dehors, l'atmosphère s'électrise, la colère est de mise et les braises s'attisent car aujourd'hui dehors, le ciel se couvre et l'air est lourd, les éclairs se couvrent car aujourd'hui dehors, l'atmosphère s'électrise, la colère est de mise et les braises s'attisent car aujourd'hui dehors, le ciel se couvre et l'air est lourd, les éclairs se couvrent car aujourd'hui dehors, le ciel se couvre et l'air est lourd, les éclairs se couvrent car aujourd'hui dehors.